Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. On attaque le programme hebdomadaire avec un groupe que vous avez déjà dû entendre sur l'antenne de Canal B, notamment dans les émissions Ça va faire un hit ou encore 90B. Il s'agit des Meridian Bravers. Le combo de Bogota mené par Eblis Albares qui mélange allègrement rythme de cumbia et latino-américain avec des choses un peu psychédéliques et délirante. Les Meridian Bravers qui sont frères comme moi japonais, qu'on surnomme les Divo ou Residence colombiens, ce qui n'est pas volé vu l'excentricité de leur musique, comme on va pouvoir s'en rendre compte à l'écoute d'un titre d'un disque Florilège qui vient tout juste de voir le jour grâce au bon soin du label de Marcus Detmer qui s'est délocalisé de Berlin à Perpignan il y a de ça quelques mois. J'ai nommé l'étiquette Stop Gold qui publie ce mois-ci une anthologie de pièces issues de leurs trois premiers opus qui étaient sortis entre 2005 et 2011, donc des disques à tout petit tirage sur le label du groupe qui n'avait pas franchi les portes de la Colombie. L'album des Meridian Bravers s'intitule Devotion. On les avait découverts l'an dernier, notamment avec l'excellent Desesperanza qui avait été publié lui pour la France, et comme une nouvelle tout aussi excellente qu'une anthologie des Meridian Bravers n'arrive jamais seule, Eblis Alvarez et toute sa bande seront en concert dans le cadre des 35e Transmusicales qui auront lieu cette année du 5 au 7 décembre. On écoute un titre ancien donc des Meridian Bravers. Le morceau Escuchen el grito del tigrillo. Thank you. tigrillo audaz, es el tigrillo arriba, es el tigrillo audaz, es el tigrillo arriba, es el héroe fuerte animal que encontrará la salida, es el gigante mítico que protege nuestra guarida. Él es el símbolo heroico que nos muestra cómo es la vida. Él es andarte sonriente que con ferocidad aniquila. ¿Dónde está la maldad? Corazón asesino, con decoración del tigrillo es nuestro destino. Vamos a la batalla cruel, a defendernos salimos. Cortaremos la cabeza del que no esté con el tigrillo. Sus ojos color de fuego iluminan nuestro enemigo. Esa es la historia, fosas comunes, guerrero infame. tiger. I took all the poison, spew out the wisdom. My fountain is a river flowing to the ocean. Drink all the knowledge, soak up the wisdom. Determination will never break. I create in the broken system. I create in the broken down system. I create in the face of destruction. I create in the face of oppression. System. I create in the face of destruction. I create in the face of oppression. I create in the broken down system. Fix the system with the broken down rhythm. I create in the broken system. Fix the system with the broken down rhythm. On a démarré avec deux disques récents qui ne faisaient pas dans la demi-mesure, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, le psychotropicalisme Dada des Colombiens Meridian Bravers, avec un extrait d'une anthologie qui vient de sortir sur le label Stop Gold sous le titre Devotion, qui reprend donc des pièces issues de leur répertoire depuis leur début au milieu des années 2000 jusqu'à l'année 2011. Donc ça permet de se faire une bonne idée de ce groupe fort sympathique qui se produira donc au Transmusical de 2013 à Rennes. Et c'était enchaîné avec la troisième livraison pour le projet Javano-Piffertien de l'ancien chanteur et clarinettiste hurleur du groupe All Time Religion. J'ai nommé Harrington des Dioniso et son projet Malekat Dansinga. L'album s'intitule Open the Crown. Il est sorti au mois d'avril dernier, donc un peu avant l'été, sur K Records en vinyle, CD, cassette et téléchargement. Un disque nettement plus trash, abrupt que les deux précédents de 2009 et 2011, avec pas mal d'effets écho Larsen, l'utilisation aussi du chenaï, le hautbois indien, qui rajoute un côté free à l'affaire. Une petite préférence pour ma part pour les albums précédents, mais celui-ci se défend plutôt pas mal non plus. Donc l'album Open the Crown sur K Records par Malekat Dansinga, le projet d'Harrington des Dioniso. On continue avec tout autre chose. Le tout nouveau projet de Kim Gordon, suite à la dissolution de Sonic Youth prononcée il y a de ça 2 ans. Comme vous savez, donc, les différents membres de Sonic Youth ont des projets parallèles. Thurston Moore se concentre sur Chelsea Light Moving aux côtés de Samara Lubelski et John Moloney. Quant à son ex-compagne, elle se consacre à un projet en duo avec le guitariste expérimental Noise du Massachusetts, Bill Nace, avec lequel elle a publié quelques disques déjà. Donc sous ce nom de projet Body/Head, ensemble ils ont sorti quelques galettes un peu confidentielles, il est vrai, notamment chez les Belges Ultra Eczema sur le label de Bill Nace Open Mouse, ou encore un trio aux côtés de Michael Morley des Dead Sea et autres Gate, un vinyle qui était sorti sur Feeding Tube. Mais ce mois de septembre voit la livraison d'un disque, un double album en fait, de pas loin de 70 minutes de ce projet Body/Head. Ça s'intitule Coming Apart, ça sort sur Matador, qui est aussi d'ailleurs le label de Thurston Moore. Donc ça donne un peu un très bel aperçu de ce qu'ils peuvent produire tous les deux, à deux guitares et voix, avec une voix plutôt possédée pour Kim Gordon. Donc c'est assez éloigné de ce qu'était devenu le dernier Sonic Youth, une sorte de free rock indé sans trop de saveur. Là c'est beaucoup plus piquant, noise et expérimental, assez proche d'ailleurs du japonais Keiji Eno par exemple. Et ça traite pas mal du statut de la femme dans la société, qui est un thème qui tient pas mal à cœur de Kim Gordon, et aussi de la disjonction entre le corps, l'esprit et le monde. Donc à la voix Kim Gordon, croisement entre Yoko Ono et Patty Waters, également à la guitare, et son collègue donc Bill Nace. On écoute un extrait de ce Coming Apart de Body/Head, donc leur combo, avec le titre Comme de Juste, bon, qui démarre cet album, qui se permettra de faire un bel aperçu donc de cet album qui sort sur Matador d'ici quelques jours. On écoute le titre Abstract par Body/Head. Thank you. à l'instant une improvisation assez groovy par le Sao Paulo Underground, combo mi-brésilien, mi-américain, qui mixe électronique, tropicalisme et jazz de l'après Miles Davis période électrique. Un projet mené par le très prolixe Rob Mazurek au cornet et électronique, avec ses compagnons d'armes brésiliens Mauricio Takara aux percussions et Guillermo Granado au clavier. Donc le Sao Paulo Underground est son quatrième disque sorti un peu avant l'été sur le label Cuneiform, avec un titre que je ne vais pas me risquer à prononcer, quoique Beija Flores Veio et Sujo. Voilà, donc vous excuserez évidemment cette prononciation pour le moins calamiteuse. Juste avant, il s'agissait du duo qui a trop absorbé de White Light Whited Body Slash Head, le projet pour le moins possédé de Kim Gordon de l'après Sonic Youth, en compagnie de l'excellent guitariste Free Bill Nace. Il s'agissait donc de leur premier album long, vraiment officiel, avec après plusieurs parutions mais un peu plus confidentiel. L'album s'intitule Coming Apart, c'est un double LP et CD qui sort sur Matador, je crois que c'est mi-septembre que c'est prévu pour l'Europe, et pas mal de longues pièces d'ailleurs, des morceaux de 15-20 minutes qui concluent cet album plutôt intéressant, même si très lo-fi noise entre folk expérimental et lo-fi noise, on pourrait dire, pour ce projet Body Slash Head. On continue avec là encore tout autre chose. Il s'agit d'un nouveau disque du groupe ou du projet soliste de monsieur Christophe Pechanatz alias Klimperei, et un nouvel album sur le label René Impolisson sous le titre Les tableaux d'une exposition d'après Modeste Moussorgski 1874. Alors ça fait très sérieux comme ça, ou dit comme ça, mais c'est un disque toujours aussi surprenant par le bricoleur de talent qui est Klimperei. Un vinyle only donc chez Impolisson qui depuis quelques mois déjà ne produit quasiment plus que sur galette vinylique. Un disque qui remonte à la découverte donc en 1975 par monsieur Pechanatz du rock prog, notamment d'Emerson Lake and Palmer et des disques Tarkus et Pictures of an Exhibition, qui lui permet donc de mettre un peu le pied à l'étrier et de découvrir la musique classique, notamment celle de Moussorgski et de sa fameuse pièce arrangée et orchestrée par Maurice Ravel. Donc il s'agit d'un disque pour rendre hommage à ce détonateur pour cet homme-là. Une musique qui a été passée un peu aussi par le filtre du rock prog britannique qui a servi de passeur, ou avec pas mal de gens qui ont repris effectivement cette musique, notamment les Allemands Tangerine Dream, les producteurs de musique électronique Amon Tobin et Carl Craig, également des improvisateurs free tels que Didier Petit ou Kamal Zekri, ou encore un certain Michael Jackson. Donc une postérité assez phénoménale pour cette œuvre classique. Et à noter que sur le Bandcamp de Klimperei, qui est très très fourni vu sa production assez pléthorique, vous pouvez également entendre une version du Tarkus d'Emerson Lake and Palmer reprise par Klimperei et enregistrée l'été dernier. Donc on va écouter un extrait de ce 33 tours. Je voulais aussi vous signaler le coffret édité par le label de Denis Tagu il y a de ça quelques mois pour illustrer la musique de monsieur Klimperei. sous le titre Improvisation with Myself, une série de 5 CD dans un beau boîtier carton, ou encore un vinyle très récent, son projet des années 80 Electro Synthwave Los Paranos, qui vient tout juste de ressortir aux éditions Vinyle en demande. On écoute un extrait de ces tableaux d'une exposition d'après Modeste Moussorski par Klimperaï, et ce soir le titre Le Vieux Château. Sur l'antenne du 94 MHz, des artistes qui mélangent assez allègrement musique psychédélique et enfantine. Tout d'abord, il s'agissait de Klimperei et un extrait des tableaux d'une exposition d'après Modeste Moussorski, 1874, un vinyle only, publication uniquement en vinyle par les bons soins du label Impolisson et Denis Tagu, qu'on salue au passage d'ailleurs. Le premier 33 tours à ce jour de Klimperei, Monsieur Pechanats, qui a une discographie assez pléthorique, peut-être entre 50 et 100 albums à son actif, mais ça a toujours été des CD, donc peu ou pas de vinyle, enfin en tout cas c'est le premier, il semblerait. Information prise auprès du label, voilà. Et Klimperei qui jouait aussi pour le festival Music for Toys, 5e édition du label Monster Cassette, le week-end dernier, donc en compagnie de tous ses amis, David Fenech, Madame Patate, j'en passe, et des meilleurs, peut-être y étiez-vous. Vous aussi. Klimperei qui était enchaîné avec le projet finno-norvégien Tsembla, deuxième album long pour la norvégienne Marja Johansson, qui est basée du côté de Turku en Finlande. L'album s'intitule Novska Anget. Il est sorti sur le tout nouveau label de Matt Mondenheil de DuckTales, le label New Images LTD. Tidy. Voilà, donc Tsembla qui avait déjà sorti un 45 tours sur un label de Diane Anderson de Kemialiset Istevat, également un album long chez les Finnois Dicuisus. Elle est également pas mal pote avec Koupou, qui elle vient de sortir également coup sur coup deux nouveaux albums. Donc une musique mi-tribale, mi-psychédélique, en tout cas des textures hybrides, colorées et débridées, très très proches de Kemialiset Istevat, ce qui n'est pas pour me déplaire. On va continuer avec une séquence de musique synthétique. Comme vous devez savoir, il est assez difficile en ce moment d'échapper à ce type de son très 80s. Et là, c'est une réédition de 1981 d'un disque du producteur très actif à New York à la fin des années 70, qui fut le promoteur des Ramones, tout autant que des Talking Heads de Richard Hell ou de Blondie. Il s'agit de Craig Leon. Et l'album Nomos, qui était sorti à l'époque de manière assez incroyable sur le label de country folk de John Fay, Tacoma Records. Il vient d'être réédité par le label américain de réédition de projets de cette époque, un peu post-punk, Superior Viaduct. Label Superior Viaduct qui décrit ce disque Nomos comme le chaînon manquant entre Cluster, Suicide et Terry Riley. Et ça n'est pas du tout outrancier, en tout cas de l'excellente musique synthétique analogique, pas très cheap et pas très ringarde. On écoute le titre qui démarre ce disque, donc du nom de Nomos, par monsieur Craig Leon. Thank you. d'une mine de lune. Sahwiji, Chogukie, Kangsong, Bonyeong과 인민의 행복을 위하여 불철주야 총력적으로 활동하시던 우리 당과 우리 인민의 위대한 영도자 김정일 동지께서 애석하게 우리 곁을 떠나시었다는 비통한 소식에 접하여 가슴 터지는 슬픔을 금치 못하며 이 슬픔을 힘과 용기로 받고 존경하는 김정은 동지의 용도 따라 주체 혁명 위협을 끝까지 완성해 나갈 결의에 나라 전체 당원들과 인민군 장병들과 인민들은 사회주의 저국의 강성 번영과 인민의 행복을 위하여 철조야 총력적으로 활동하시던 우리 당과 우리 국민의 위대한 영도자 김정일 동지께서 너무도 갑자기 너무도 애석하게 우리 곁을 떠나시었다는 비통한 소식에 접하여 이런 슬픔을 금치 못하며 이 슬픔을 힘과 용기로 받고 존경하는 김정은 동지의 용도 따라 주체혁명 위협을 끝까지 완성해 나갈 결의에 pour cette avant-dernière séquence pas piquée des hannetons de cette spéciale Peter Evans sur le 94 MHz. Vous avez pu entendre tout d'abord la violoncelliste Okyung Lee qui croisait le fer avec le trompettiste américain sur The Bleeding Edge, sorti chez PSI Records en 2010 et qui était enchaîné avec un disque publié au début de l'été sur l'étiquette Clean Feed. Il s'agissait du projet Trumpets and Drums avec pas moins de deux trompettistes, Peter Evans donc, qui était rejoint par son compatriote Nate Woolley et deux batteurs, Jim Black ainsi que Paul Lighton. Il s'agissait d'un concert enregistré au 53e Festival de Jazz de Ljubljana en Slovénie en 2012, festival dont le curateur n'est autre que Pedro Costa, le patron de Clean Feed, et ça depuis trois éditions. Voilà, j'espère que vous avez pris du bon temps à l'écoute de ce portrait radiophonique de Peter Evans. La semaine prochaine, dans l'Asile le plus sûr, vous pourrez entendre un portrait en miroir de son compatriote Nate Woolley et apprécier donc l'étendue des possibilités offertes par cet instrument à piston. On se quitte avec un dernier disque sorti au printemps dernier sur le propre label de Peter Evans, Morris More Records. Il s'agit d'un tout nouveau trio du trompettiste en compagnie d'une nouvelle section rythmique. John Ebert est à la contrebasse et Cassa Overhaul à la batterie. Ça a été enregistré au club Le Zébulon de New York en mars 2012 et donc tout naturellement cette galette s'intitule Zébulon. Tournicotis, tournicoton, je vous souhaite une bonne nuit et bien d'autres choses encore à l'écoute du 94 MHz. À bientôt.